Vous avez de gros problèmes électriques et ne savez pas vers qui vous tourner? Les entreprises Roderick Piquette sont la solution. Une équipe d'expérience impliquée dans son milieu avec un service au comptoir complet qui solutionnera tous les problèmes résidentiels, que ce soit du fil, au câble, aux boîtes électriques ou toute autre pièce. Nous avons tout ce qu'il vous faut. Tout ce qui est branché, c'est notre spécialité. Osez demander. Les entreprises Roderick Piquette, 410 8e Avenue, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2275. Toute notre équipe désire féliciter Shane Gauthier pour sa sélection avec les Blue Bombers de Winnipeg. Hier, on a parlé avec Marc Denis du match du 25 août qui aura lieu à Roberval. Et là, on va parler avec le président du hockey mineur de Roberval, Hugo Mantel, savoir un peu d'abord s'il est surpris. Deuxièmement, comment ça va fonctionner à partir de maintenant? Salut Hugo! Salut! Hugo, d'abord, est-ce que tu es surpris? Parce que moi, on s'est parlé en ondes, en dehors des ondes, puis tu avais l'air d'être un petit peu inquiet. Puis là, je pense que tu aurais pu vendre beaucoup plus de billets encore. Oui, j'aurais pu vendre plus de billets encore si j'avais eu vraiment l'espace dans l'aréna pour en avoir plus. Là. Le projet de rénovation de l'aréna était mis en branle, ben on passe de 1000 sièges à 1500 sièges, donc c'est sûr que là on aurait eu un 500 de plus, donc probablement que je dis pas que j'aurais vendu des 500 autres, mais c'est sûr que j'aurais été capable sûrement d'en vendre encore un 200-250 certainement là, donc ça aurait peut-être pu combler plus de gens, mais regarde, nous, au final, c'était de l'importance, c'était de vendre nos 1000 billets, puis on peut dire là, que c'est mission accomplie, donc on est content de ça. Mais en même temps, on a été surpris de la vitesse à laquelle là, les billets se sont écoulés. Ben oui. Ça a quand même été assez impressionnant là, qu'on puisse les vendre, puis regarde, là... depuis hier, là, aux gens qu'on avait de réservé des billets de par leur affiliation au hockey mineur, les gens viennent les chercher, là, c'est constant, donc je pense pas, en tout cas, je veux dire, on doit attendre jusqu'à dimanche, mais ce serait surprenant là, qu'il nous reste des billets dimanche, là, je pense qu'on va tous être capables là, de les passer, donc ça va être un bel événement, puis on est bien content de la participation, puis de la participation de la population, puis de la réponse. Donc, on va l'avant là, à partir de ça. OK. Comment ça va fonctionner à partir de maintenant? Est-ce que, bon, tous vos billets sont vendus. Est-ce qu'il va y avoir une partie protocolaire? Est-ce qu'il va y avoir une espèce de petit cocktail? Non, pas de cocktail, mais je veux dire quelque chose avec Samuel en même temps. Comment ça va se passer? On est en train là de. Nous, on a une réunion là, lundi prochain parce qu'on avait regardé notre calendrier. On s'était dit ça, donc une réunion lundi le 15 pour voir si comment ça allait aller dans nos billets. Donc là, étant donné que les billets sont tous écoulés, là on va être vraiment à la partie là, protocolaire, puis au dernier détail là, technique là, par rapport là, à cette partie-là. Cet après-midi, là, je discutais là, avec le niveau, je vais dire, directeur administratif des Saguenayens, là, donc le monsieur là, qui était avec les... Monsieur Proulx? Serge Proulx? Oui, Serge Proulx. C'est en plein ça. Qui était avec le raccord, qui rentre avec les Saguenayens. Donc, cet après-midi, là, on a finalisé certains petits détails parce que là, il faut réaliser le programme de la partie. Là, j'ai finalisé avec les Saguenayens là, les derniers détails pour être certain d'avoir les alignements soit le 24 en fin d'après-midi ou le 25 au matin pour l'impression. Donc, on a finalisé ça. On a finalisé là, tous les côtés techniques au niveau là, au niveau de la partie qu'elle soit filmée, parce que la Ligue junior majeure du Québec exige que les parties soient filmées là, sur web diffusion. Puis, même un match au concours? Oui. Puis le côté sécurité, il okay. faut qu'il y ait des séances, il faut que ce soit filmé pour que s'il arrivait un incident, okay. Que les instances de la Ligue majeure du Québec aient les scènes vidéo. Donc, on s'est entendu, on a finalisé ça cet après-midi, là, okay. Comment ça allait fonctionner, qui allait filmer quoi, puis s'assurer que ça soit bien fait. Donc, on est dans ces petits détails-là là, avec les Saguenayens. Puis nous, ben lundi, on va regarder, là, c'est ça, on va regarder voir on fait quoi là, comme mise au jeu protocolaire, on invite qui. Bon, on sait que c'est facile pour les joueurs. Là. Je veux dire, c'est Louis-Philippe et c'est Samuel qui font la mise au jeu protocolaire. Ça, c'est pas difficile. Mais on est en train de regarder là, bon, qui va être invité sur la patinoire puis comment ça va fonctionner. Donc là, on est à ça. Puis on est à définir là, un petit peu qui va faire quoi là-dedans. Là. C'est-à-dire, qui est responsable, je sais pas moi, qui est responsable de la billetterie ou des billets, de ramasser des billets à l'entrée, qui est responsable de... Okay. Certains là, on va, faut préparer là. Ben on le prépare pas, mais on l'a acheté. Faut s'occuper du repas après la partie. Donc qui va s'occuper là d'avoir le repas, qui va s'occuper ouais. de le servir. Donc on va être vraiment là dans ces petits détails là pour s'assurer là que tout soit correct et bien fait là pour le 26. Ok. Dis-moi, est-ce que du côté des commanditaires, est-ce que ça a été facile à aller chercher aussi? Ça a été très facile. Ouais. Je veux dire, j'ai été agréablement surpris. On est parti là. Je suis parti un matin sur une idée que des gens ici là, avaient déjà, il y a 20 ans de ça, avaient fait quand j'étais entraîneur là, du Bantam 2B dans les années 95. Puis je suis allé voir une personne là, qui est proche de nous, qui est dans le milieu des finances là, puis des affaires à Robertval. Puis en lui parlant de ça, ben il m'a dit, je pense que si tu fais tout ce forfait-là, nous autres, on est allé voir les commerçants, puis on leur a demandé, dans le fond, de nous donner 200$. Puis en échange, on lui donnait 6 billets pour la partie. Ouais. Fait que moi, ça m'assurait 110$ au hockey mineur, au cas où que je fasse un déficit, ben j'étais capable là, cette entente-là de peut-être éponger s'il y avait déficit. Là, c'est sûr qu'il n'y aura pas déficit. Mais j'étais capable d'éponger ça. Donc, on est allé voir, là, la grande partie, c'est faite par Alexandre et moi. Là, on est allé voir une vingtaine. Puis sur les 20 qu'on est allé voir, on a eu 20 sur 20 des réponses positives. Monsieur. Il y en a quelques-uns là, qui se sont ajoutés là, parce que j'ai des gens dans le comité qui ont dit ben, « Je connais quelqu'un là, j'en connais un là, j'en connais un là. » Fait qu'on a ajouté ça de même, mais ça a été là, vraiment le cas de dire « Regarde, on n'en prend plus. » Il n'y a pas lieu que je passe un message de dire « On n'en prend plus parce que là, on n'aura plus de billets. » Donc, on s'est même arrêté. Puis, mais c'est correct. Là, je veux dire, on a vendu à peu près 200 billets là, dans le monde des affaires à Robertval, des commerçants. Fait que ça nous assure une belle stabilité financière. Fait qu'on est bien content de la population. Puis du marché aussi là, financier de Robertval. Ils ont été super collaborateurs avec nous autres. C'est sûr que Samuel est vendeur. Là, puis tout le monde veut aller voir Samuel. Fait que c'est plus facile. T'sais, quand on vend, si je vends une affaire de même pour la ronde de la Vissatome, puis c'est des novices, ben oui, les gens vont encourager quand même. Mais là, tu te dis, ben, c'est Samuel. Fait que les gens, à la limite, ils disent tout, ben, regarde, on va l'acheter, on va avoir nos billets. Fait que tout le monde est bien content. Puis, fait que ça a fait vraiment, vraiment, vraiment, là, une belle activité, là, puis une belle participation, là, des gens. Comment t'expliques cette popularité-là de Samuel Girard? Écoute, le gars, il a été repêché. Il a seulement été repêché. Oui, c'est un défenseur dominant. Il a été le meilleur défenseur au Canada. Ça, c'est déjà très, très bon. C'est excellent, même, de ça. Mais il n'est pas encore dans la Ligue nationale. Puis là, je pense que t'aurais amené n'importe qui contre les Cataractes, puis t'aurais, je ne veux pas être méchant pour les Saguenay, puis je l'ai dit à Marc Denis hier, puis vous auriez rempli. Comment t'expliques ça? Écoute, c'est vraiment... C'est spécial, pareil. Hein? C'est spécial. C'est un petit bonhomme, par exemple, ça, là, je veux dire, dans le monde du hockey, là, même à Robertval, c'est des gens là que, tu sais, je veux dire, depuis que Samuel joue, écoute, il y en a qui vont dire depuis qu'il est atome, là, mais si on est plus réaliste, là, je vais te dire que depuis que le monde Samuel joue dans le Pee-Wee, tout le monde dit hey, Samuel va être bon, Samuel va être bon, on entend parler, puis à toutes les étapes, les gens disent à un moment donné, il va se casser la gueule, là, tu sais, ouais. Il y a tout le monde qui espère qu'il s'y. C'est un peu ça, typiquement québécois, là. Il y en a qui espèrent que quelqu'un se casse la gueule. Mais il a toujours fait en sorte qu'il était bon. Il est arrivé au midget 3 à 15 ans, puis calvaire, il était vraiment bon. Il a été repêché troisième overall par Shawinigan. Les gens disent « Ah, Shawinigan, ça va être pas facile. » Mais à 16 ans, Shawinigan, il a connu une très bonne saison. Cette année, ben 17 ans, c'est son année de repêchage. Mais il est petit, il est pas ci, il est pas ça. Ouais. C'est un bonhomme qui est tellement sérieux. S'entraîne, qui est vraiment, tu sais, je veux dire, tous les efforts sont faits, tous les efforts sont mis là-dessus. Il fait vraiment tout ce qu'il y a à faire pour aller là. Puis moi, j'y souhaite, mais je vais te dire quelque chose. S'il fallait que cet enfant-là réussisse pas, puis je dis enfant-là, c'est Samuel, c'est sûrement pas par les efforts, les sacrifices. Ouais. Il passe l'été, il passe pas l'été à Robertval, puis à traverser la fête, puis à se saouler la gueule toute la semaine, puis un petit bonhomme, regarde, il est parti tout l'été aller s'entraîner, parfaire son anglais, faire des camps. C'est un petit bonhomme, tu sais, qui est vraiment, là, on peut prendre l'expression, il est sa coche, là. Okay. Donc, c'est méritoire pour lui, puis on est vraiment, là, on est content pour lui, puis les gens, ben, regarde, là. On va espérer là, le mieux pour lui. Puis c'est pour ça que les gens disent, ben regarde, tout d'un coup, le Frère Ligue nationale, ben ouais. On pourrait le voir à Robertval. Ouais. Fait qu'à Waigo, pourquoi pas? Je sais que quand il va à Chicoutimi, écoute, on remplit, il y a une grosse section, on remplit une grosse section à Chicoutimi. Il y a des autobus qui montent de temps en temps à Shawinigan voir des parties de Robertval. Fait que c'est sûr que les gens sont fiers de Samuel. Puis ça reste quand même de Robertval, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. Non. Ils ont rendu aussi loin que ça. Non. Là. Qui ont été repêchés en deuxième ronde, puis peut-être qu'ils vont faire de la Ligue nationale. Il n'y en a pas beaucoup, là. Donc, ça fait que c'est pour ça que les gens, là, sont bien. Sont contents de ça, puis ils veulent l'encourager. Dernière question. Marc Denis, hier, m'a dit, je suis pas sûr de. Je peux pas te garantir que ça va devenir une classique annuelle. Samuel Girard, l'an prochain, à moins que je cherche, serait encore junior. Est-ce que on pense déjà à un deuxième match à Robertval entre les Saguenayens et les Cataractes, ou même une autre équipe que les Saguenayens? Je dis pas non. Dis pas non, hein? Je dis pas non. Regarde-moi, honnêtement, on était très réticents par rapport à ça au départ. On a eu peur de pas avoir là. Ça marche pas au niveau financier. Puis qu'on a vu l'engouement, puis comment ça s'est vendu, puis la facilité à laquelle ça s'est vendu. Je veux dire, que ce soit les Saguenayens, que ce soit n'importe qui contre les Cataractes, puis les Cataractes nous assurent de Samuel. C'est sûr que, regarde, demain matin, on embarque. C'est sûr que ça se revend encore, là. Il faudrait peut-être polir un peu peut-être notre technique là, de vente, ou s'assurer vraiment pour que ça soit plus accessible à tout le monde, parce qu'on a favorisé, nous autres, les jeunes et les parents de hockey mineur. Ouais. Ça a été correct, là, moralement, nous autres, c'était ça qu'on devait faire puis qu'on a fait. Mais, c'est sûr que demain matin, on embarque là-dedans, puis les yeux fermés, puis c'est encore une réussite, c'est certain. Parce qu'il va vous aller à quelque part, c'est bien correct, là, loin de moi de critiquer, mais vous allez faire une bonne somme d'argent, puis ça peut être servi comme activité de financement aussi pour le hockey mineur. Là. Vous n'avez jamais trop d'argent. Ouais. Ben, on n'a jamais trop d'argent, mais c'est sûr que c'est un moyen de financement. Puis au départ, je vais me rappeler, ça a toujours été, puis je te l'ai dit, la prémisse de départ de Marc Denis, ça a été: faut que les trois parties soient gagnants. Faut que les Saguenayens soient gagnants, puis dans leur prix qu'ils ont demandé, les Saguenayens sont gagnants. Faut que les Cataractes soient gagnants, puis ils vont l'être gagnants également. Fait qu'il restait nous autres, puis on va aller quand même chercher un bon montant. Là. Rendu à la fin, quand la partie va être jouée, je vais être capable de dire, ben regarde, ça nous a rapporté de temps. Mais on va être autant gagnants que les trois parties. Puis dans ce cas-là, ben nous autres, regarde, c'est carrément de l'argent qu'on prend, puis qu'on donne, on l'a déjà anticipé. Puis on va renouveler là, nos chandails là, dans le Pee-wee, dans le Bantam, puis peut-être même dans le Midget. Ouais. On va aller acheter là, des chandails neufs pour ces trois catégories-là. Donc, c'est sûr que c'est un beau cadeau que les Saguenayens nous ont fait. C'est un beau moyen de financement. Puis dans ce cas-là, ben regarde, les jeunes vont en profiter, puis... Par quelque part, les Saguenayens, eux, il faut qu'ils viennent ici. S'ils veulent, Oui. Et puis, Marc Denis me l'a dit hier, ça fait partie d'être l'équipe d'une région. Marc Denis me l'a rappelé hier, puis je pense que c'est important aussi pour eux autres. Ben, moi, je pense que s'ils veulent que les gens... c'est la meilleure publicité que tu vas avoir pour les Saguenayens, c'est d'être venu à Robertval. Tu viens d'aller chercher, là, les gens vont aller voir ça. Ils vont voir Samuel, oui, mais ils vont voir le produit des Cataractes, ils vont voir le produit des Saguenayens, puis après ça, ben de ces 1000 personnes-là, s'il y en a juste la moitié qui décide cet hiver, ben les Saguenayens sont venus, on va aller une partie des Saguenayens, il y en a qui vont aller à deux. ben ils vont aller retoucher, les gens vont y retourner, puis les gens vont aller réinvestir là, puis les gens vont... Fait que oui, il faut que tu sois proche de ta base pour que ta base, à un moment donné, dise, mais regarde, oui, on va faire un effort, tu sais, tu veux faire un party de fin d'année, tu veux faire une activité d'équipe, ben tu dis, on va au Saguenayen. Ben, si les Saguenayens viennent à Robertval, t'as plein d'équipes de Robertval qui pourraient dire, hey, on va aller voir une partie des Saguenayens comme à Noël ou à la fin de l'année. Si les Saguenayens viennent jamais, tu veux faire quoi? Tu diras pas, on va aller voir les Saguenayens, ils viennent jamais. Fait que ça, ils vont, c'est sûr, puis ça, on dit Robertval, mais il y a Dolbeau, il ferait ça à Alma, il ferait ça à l'Abbé les années subséquentes. Puis les gens, regarde, c'est de même qu'ils vont, aller solidifier leur base, puis qu'ils vont aller rechercher, là, le nombre de personnes qui avaient besoin dans l'aréna puis pour faire là, le frac, je pense que c'est une bonne je pense que c'est une bonne avenue pour les Saguenayens. Hugo Maltais, gros merci, puis on s'en reparle un autre, très très bientôt à l'approche du match. Ça me fait plaisir. Le président du hockey mineur, Hugo Maltais.